On va parler de football, c'est le Bol d'Or en fin de semaine et encore une fois, les Gaillards de Jonquière vont participer au Bol d'Or. On va en parler avec l'instructeur Éric Paquette. Salut Éric! Salut! Éric, écoute, vous êtes habitué, hein? Ça fait combien de Bol d'Or de fil là, que vous participez ou encore des dernières années, hein? Vous êtes comme le Rouge et Or un peu habitué, vous êtes le Rouge et Or de votre ligue. Nous, c'est si on enlève l'année COVID, ça fait 5 années consécutives, mais on s'habitue pas à ce match-là. C'est pas Ouais. c'est toujours la grosse game de l'année, puis c'est toujours des grosses oppositions. Fait que c'est beaucoup de travail. Ouais, effectivement. Là, tu t'es. J'imagine qu'une préparation comme ça, c'est une préparation optimale. On en prépare de plus en plus, là. On prépare l'équipe, c'est plusieurs heures par jour, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, on a quand même une équipe d'entraîneurs incroyable aussi qui met énormément de temps sur la préparation, décortiquer les vidéos, puis faire travailler sur les plans de pratique, ensuite faire les jeux offensifs et défensifs de l'autre équipe pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qu'on va affronter. Fait que oui, il y a beaucoup de travail qui est mis, mais je pense que tout le monde met son épaule à la roue, puis c'est un petit peu plus facile comme ça. L'équipe de la Beauce, écoute, je connais l'entraîneur, c'est pas. L'entraîneur, c'est un gars très, très. Marc Loranger, un des bons entraîneurs au football collégial au niveau québécois. C'est pas le dernier venu. C'est un gars qui a l'expérience, qui va sûrement bien préparer son équipe aussi, là. Ah oui, écoute, c'est un des meilleurs au Québec. Sont vraiment gâtés de l'avoir dans leur équipe. C'est sûr qu'écoute, c'est une équipe qui va être extrêmement bien préparée. C'est une équipe qui est invaincue encore cette année. On s'attend pas à ce qui arrive la tête trop en l'air non plus. Ils vont avoir les deux pieds sur terre. Ils vont se le faire dire toute la semaine. Et puis écoute, ils vont arriver avec leur meilleur match, puis c'est à nous d'essayer de rivaliser le mieux possible. Quel genre de t'as vu des vidéos que on va y parler jeudi d'ailleurs à Marc Loranger là, mais quel genre d'équipe qui sont? Ben, c'est une équipe, premièrement, qui est quand même très physique et très rapide. Ils sont bien balancés à tous les niveaux, tant sur la passe. Je sais que le receveur, le numéro 3, c'est une menace en tout temps. Leur corps arrière est exceptionnel. Ils ont un bon porteur de ballon, le numéro 11, qui est très rapide et très lourd aussi. Ils ont une défensive qui est très rapide, très physique. Des unités spéciales qui fonctionnent très bien. Ben, c'est pas pour rien, présentement, écoute, on s'entend, ce sont 10 victoires, aucune défaite, donc ils sont ultra bien balancés, là. Ok, dis-moi, donc le jeu, le 4-1-4 super, le jeu, c'est de jouer au sol le plus possible pour égrener le temps. Au football, c'est ça la stratégie, là. Ben, je veux dire, nous, je sais que le premier match, on avait quand même été compétitif dans la deuxième partie du match. La deuxième partie chez eux, ça a été extrêmement difficile pour nous. Ils sont arrivés avec un plan de match pratiquement parfait, puis ils l'ont exécuté à la perfection. On va le dire comme ça, on n'a jamais vraiment été dans le match. Ben, on l'a jamais été. Victoire un petit peu facile pour eux, défaite très difficile pour nous. Mais à partir de là, écoute, c'est les deux dernières équipes qui restent une finale. Nous, écoute, on s'en va là, puis on est les sous-estimés, on le sait. Écoute, on est contre une équipe qui est parfaite cette année. Nous, on a eu 3 défaites, dont 2 contre eux cette année. Puis c'est comme on a dit, notre but, c'est de rivaliser le mieux possible, puis d'essayer de trouver les petites failles qu'ils vont avoir, et essayer d'être le plus opportuniste possible sur le terrain. Est-ce que souvent dans des grands matchs comme ça, c'est l'expérience des grands matchs qui prime? Est-ce que là-dessus, vous êtes avantagé? L'expérience des grands matchs après une année COVID, Moi. alors qu'on avait 40 gars qui n'avaient pas eu un jeu au niveau OK. collégial, Donc c'est plus vous autres, disons, autrement dit, là. ben, je pense qu'ils sont plus expérimentés que nous dans les grands matchs. Écoute, OK. eux, la dernière fois qu'ils ont joué du football, c'était en division 2. Ils étaient une division plus haute que nous autres. Ah, OK, c'est bon. Ils ont un entraîneur ultra expérimenté. Fait qu'à partir de là, C'est un gars qui c'est pourrait ça être mon un but. coordonnateur facilement à l'université, là. Dans une université, là. Coordonnateur soit Ah, défense mais ou. il y a déjà entraîné à l'université, donc. Ouais, hein? Ok. Fait Ah, ouais, que. ben, tu veux dire, moi, je connais très bien son pédigré, puis c'est tout un entraîneur qu'on affronte là. Ok. C'est à quelle heure? Et je pense qu'il y a un autobus. Je regarde sur le Facebook des Gaillards. Il y a un autobus qui part parce que le match est à Thetford Mines. Donc, ça doit être autour de 18 h, c'est ça? Oui, le match est effectivement ce samedi à 18 h à Thetford Mines. Tous OK. les Bulldogs se jouent là, les quatre Bulldogs se jouent là en fin de semaine. OK. Donc, et pour les gens qui pourront pas, ben, je pense que le match est télédiffusé sur YouTube, si je ne m'abuse. Ça, je Ouais. pourrais pas vous dire. Je crois que OK. oui, par contre, parce OK. que tous les matchs ont été télédiffusés. Ouais. OK. Dis-moi, parle-moi un peu du rendement de nos deux gars, ta cueillette, nos deux gars qui jouent de le haut du lac, Marc-Antoine Robert. Je pense que c'est son dernier match avec l'université, hein, avec le collège, je pense. Il va prendre une décision bientôt, hein? Ouais, ben après 4 saisons, c'est vraiment son, là on peut le dire parce que là c'est le dernier match de l'année. C'est vraiment son dernier match, c'est la dernière fois qu'il va porter nos couleurs. Après ça, normalement, il va s'en aller à l'université. Quelle université? Il y a juste lui qui le sait présentement. OK. Je pense qu'il est encore en décision là-dessus, mais c'est ça. Nous, écoute, il a connu une grosse saison encore une fois, puis c'est vraiment notre pilier à la défensive. Ouais. C'est un joueur intense en plus. OK. Il fait. Puis c'est un. Écoute, c'est un de nos leaders. OK. Et l'autre aussi, ben, c'est Émile Bouchard qui connaît une bonne saison. On dit qu'il s'est amélioré continuellement, ça. Ah, Émile, il y a toute une progression cette année. Puis qu'est-ce qui est le fun d'Émile, c'est quand il y a l'opportunité d'embarquer sur le terrain. Comment je pourrais dire ça? Il nous donne la vie dure parce que il crée des choses sur le terrain. Donc, on n'est plus capable de l'enlever par la suite, ce qui est un maudit beau problème. Non, il est très opportuniste. Puis, écoute, c'est un jeune qui parle pas beaucoup, mais qui écoute bien puis qui essaie de mettre en application les techniques qu'on lui montre. C'est comme je dis, il était très opportuniste cette année quand il a embarqué. On l'a vu sur le terrain. C'est quelqu'un qui a réalisé quand même des gros jeux pour nous cette année, dont la demi-finale sur la conversion des 2 points. C'est lui qui a rabattu le ballon. Si ce ballon-là n'est pas rabattu, ben nous, on n'est pas là cette semaine. Donc, Aïe, et y a-t-il d'autres joueurs aussi qui sont dans l'équipe, qui sont du haut du lac? Je pense qu'il y en a deux de Saint-Henri-de-Torion. C'est pas vraiment le haut du lac, mais c'est pas loin quand même. Parle-moi un peu de ces deux joueurs-là. ben on a beaucoup de joueurs qui viennent du lac. OK. Qui viennent du haut du lac, ça, je suis un petit peu moins au OK. courant. Il n'y a pas de problème. Mais non, mais écoute, je pense que tous nos joueurs de la région font très bien aussi, indépendamment des positions où est-ce qu'ils sont. Puis je pense que depuis notre défaite contre la Beauce, les jeunes se sont vraiment plus soudés les uns aux autres. Puis OK. on joue vraiment plus en équipe. On joue du beau football, honnêtement. Ça vaut la peine d'être vu, ça vaut la peine d'être publicisé. Je sais Ben qu'on est un sport qui est un petit peu moins connu que le hockey, puis un petit peu moins connu que d'autres sports, mais reste néanmoins qu'on a tout un show qui est offert par nos jeunes cette année. Éric, en terminant, j'ai vu que notre équipe de Saint-Félicien est en finale. Je ne sais pas si tu es au courant, tu devais être quand même en finale au niveau secondaire. J'imagine que tu as vu un peu pour aller faire du recrutement ou tu n'as entendu parler un peu. Donc, est-ce que les années de misère sont terminées pour le football dans la région là? Ben moi j'ai vu la demi-finale, j'ai pas vu OK. la finale. La finale s'est jouée, nous on était à Montréal malheureusement. J'ai vu la demi-finale par contre qui était justement où c'était le dernier match. Je voudrais pas me tromper, qui était Saint-Félicien mais qui jouait contre Sept-Îles. Non, c'était une demi-finale. Et puis même si Saint-Félicien était peu nombreux, ils ont quand même donné une bonne opposition, un bon match. Ils ont été surprenants contre une équipe qui était quand même invaincue depuis le début de l'année aussi avec Sept-Îles. Et puis est-ce qu'on sort? Ben, je peux pas dire que le football est vraiment en santé. On a malheureusement peu de joueurs dans chacune de nos équipes au niveau régional. C'est un creux de vague. Puis, tu sais, moi, je suis une personne qui est positive. J'espère qu'il y a plus de jeunes qui recommencent à jouer. C'est un beau Ben, sport. le COVID n'a Puis, pas aidé, là. Regarde, on se contente pas d'histoire, là. Le COVID n'a pas aidé. ben, le COVID n'a pas aidé. Puis, je pense qu'on a eu une mauvaise presse aussi à un moment donné Ouais. par rapport aux fonctions cérébrales. Ouais. Alors que, Le tu sais, cheating, le cheating, puis tout ça, c'est Il y a autant de commotions cérébrales dans le cheerleading, puis dans le ski alpin, puis tout ce que tu voudras. Ben, je veux dire, il y a des risques dans tout ce qu'on fait. Et Ouais. puis, tu sais, ce qui est important aussi, c'est pendant les entraînements, c'est de mettre le sérieux aux entraînements. Puis, c'est comme nous, on met un emphase sur la sécurité, puis on est encore au collégial. Ouais. Alors qu'une technique de plaqué, on s'entend, ça devrait être maîtrisé un petit peu plus bas. Mais puis même si nos joueurs sont rendus au niveau collégial, on met encore de l'emphase là-dessus. Puis je pense que dans toutes les équipes, faut réussir à rassurer les parents et la population. On a un sport qui est quand même sécuritaire. Si on regarde les chiffres, on n'est pas le sport où est-ce qu'il y a le plus de blessés, où est-ce qu'il y a le plus de commotions cérébrales. Mais c'est juste qu'on a eu une mauvaise presse à un moment donné, et puis ça fait peur à bien du monde. Mais c'est un beau sport, c'est un des sports les plus pour le sentiment d'appartenance, puis le fait de jouer en équipe. Moi, je pense que c'est un des sports les plus complets pour ça. Mais c'est sûr que c'est mon sport, c'est sûr que je suis un Ah petit peu ouais. vendu. Mais écoute, puis on a la chance, nous, de voir des jeunes évoluer ici au Cégep, des jeunes qui vont graduer bientôt, puis sans le football, ils ne seraient pas ici au Cégep présentement. Ben Donc, ça garde des jeunes en santé, ça garde des jeunes à l'école, ça les garde sur le bon chemin. Et puis, écoute, ouais. c'est sûr que je vais le vendre comme je vais vendre tous les autres sports Là, qui c'est-tu sont toi qui présents dans les va écoles aussi. dans le recrutement, c'est toi qui. Parce qu'on va parler du recrutement bientôt, là. François, il allait beaucoup en France. C'est toi qui va y aller, ben c'est François. Ouais. Ben, on est en train de regarder présentement, c'est est-ce qu'il va y avoir les voyages en France, premièrement. Ouais, ok, ouais. Encore cette année. On est encore avec la fin du COVID. Et puis au niveau international, c'est pas une chose qui est complètement réglée non plus. Oui, normalement, c'est l'entraîneur-chef, les responsables Ok. de l'animation sportive qui se dirigent là avec les affaires étudiantes. Donc, si jamais il y a possibilité du voyage, c'est sûr qu'on va avoir des délégués qui vont y aller. C'est sûr et certain. Ok, ben Eric, on va se reparler la semaine prochaine pour faire le bilan de tout ça. Aucun problème. Donc voilà Eric Paquette, l'instructeur des Gaillards de